questions. Donc on va... Il y a des réponses. Il y a des réponses, il y a des questions. Fait que les réponses vont aller avec les questions. De toute façon, on n'a pas le choix. Bref, tirer le meilleur parti de chaque situation. Mais choix ou pas, ta position dans la vie est drôlement plus confortable qu'un prisonnier au fond de sa cellule ou en Israël dans un champ de tir. Pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Mais non. C'est vrai que je me sens plus confortable ici que dans un champ de tir en Israël. Oui, il y a beaucoup de personnes qui préféreraient être en prison que d'être assis dans une chaise devant le public. Pas ça moi. Dépend des individus, ça dépend des consciences astrales. Et c'est évident que si on se prend tel qu'on est, qu'on se projette dans la peau d'un autre, on peut se trouver, on aimerait peut-être mieux être dans sa peau ou ne pas être dans sa peau. Mais ça, c'est encore, on s'amuse, parce que tu ne peux pas rien changer de toute façon, tu vas être dans la tienne. Bon. Alors, quand on prend quelqu'un, on décide, bon, ben moi, je préfère être dans ma peau que d'être cul-de-jatte dans un pays sous-développé, puis marcher avec dans une boîte de bois, avec des morceaux de métal à ses mains, pas trop muser les poignets à terre, puis il me promet ses trottoirs pour qu'il m'en dé. Ouais, mais j'ai vu des personnages comme ça, moi, quand j'ai voyagé dans certains pays, en voie de sous-développement, et puis, ils sont pas plus malheureux que celui qui se promène en Jaguar. Quand ça marche? Ben oui. Tu travailles dans Jaguar, toi? Il avait l'air plus heureux que toi, il souriait, lui. Non, mais c'est sûr que si, par contre, on se projette dans sa peau, avec ce qu'on a maintenant comme expérience, c'est comme de prendre un très très bon logiciel puis de lui dire tu travailles maintenant avec un ordinateur de tel autre ordre. Ben, la mémoire qui est là-dedans, elle ne veut pas changer de corps, de monde, de place. Celui qui est extrêmement riche qui devient pauvre, il souffre. Celui qui est pauvre, il ne souffre pas. Celui qui est riche qui dit ouais, mais j'aime bien mieux être riche qu'être pauvre. Parce que celui qui est pauvre, il est malheureux. Bon, tu en connais des riches, hein? Ils sont pas aussi heureux que ça. Tu en connais des pauvres, moi, ils sont pas aussi heureux que ça non plus. Mais c'est pas mal égal. Par contre, si on prend lui puis on le met là, il va avoir de la sécrétion par en bas. Si on prend celui qui est en bas, le met en haut, il va sécréter par en haut pendant un bout de temps. L'humain s'adapte. C'est tout. Mais on n'est pas mieux dans un corps que dans un autre. Finalement, si on regarde plus bas, on est mauditement mieux où ce qu'on est. Quelle que soit la hauteur où ce qu'on va être. Et si on regarde plus haut, on aimerait donc ça être là. Quelle que soit la hauteur où ce qu'on est. On appelle ça de la comparaison. La femme doit-elle passer par l'homme pour être? Ben non. Si oui, lequel des deux doit reconnaître l'autre? La femme, elle doit passer par elle, comme l'homme d'ailleurs doit passer par lui. À un moment donné, j'étais invité dans un rassemblement de femelles. C'était le salon de la femme, c'est ça. Bon. Et puis je disais que quand la femme s'était libérée, elle avait libéré l'homme en réalité. Ah, là, ça protestait. La femme, libérez l'homme. Puis là-bas, ça y est, les hommes au coton. Fait quand tu leur dis ça. Oui, parce qu'elle a obligé l'homme à apprendre à repasser son linge, à faire la vaisselle, à changer les couches du bébé, à passer le respirateur. Fait que finalement, elle a obligé l'homme, le mâle, le tarlat, à être un peu moins esclave de la femme. Fait que là, il peut s'en passer, il est capable de passer à balayeuse. Ouais. Puis la femme, elle, vu que maintenant l'homme peut se passer de la femme, elle a aussi acquis la capacité de se passer de l'homme. Étant donné que l'homme était l'esclave de la femme, c'est quoi un esclave? Le maître qui a des esclaves chez lui, il est l'esclave des esclaves. Ôtez-lui ses esclaves, il ne peut plus vivre. Il est coordonné, il est totalement manipulé, contrôlé par la présence ou l'absence de ses esclaves. Alors la femme qui servait le bonhomme, a dit, mais mon mari, c'est lui qui me dirige. Ouais, mais le bonhomme, il est carrément appris aussi avec la bonne femme. Quand la femme décide de se libérer, elle libère l'homme puis elle se libère elle. Quand le bonhomme décide de se libérer, il libère la femme puis se libère lui. Ses parents se libèrent, libèrent les enfants. Ses enfants se libèrent, ils libèrent les parents. Mais il y aura toujours quelqu'un pour chialer. Parce qu'il y a une mémoire, un logiciel qui fait dire, ben voyons donc, quand je rentre, normalement, ma femme, elle me fait le pâté chinois, on est vendredi. Là, la femme, elle, elle fait plus le pâté chinois vendredi ou pas. Fait que le bonhomme, il souffre. Son logiciel, ben, il essaie de manger du pâté chinois puis il n'y en a pas. Fait que le logiciel essaie de comprendre. C'est quoi comprendre? Qu'est-ce qui a pu faire qu'elle ne fasse pas? Il n'essaie pas de comprendre autrement. Sa femme, pour le logiciel, est une mécanique qui devrait normalement accomplir un travail comme lui accomplit le sien, manger le pâté chinois. Alors, il ne peut pas, du point de vue de l'ego, comprendre une mécanique intelligente là-dedans. Alors, c'est la même chose. La femme doit-elle passer par l'homme pour être? Absolument pas. Seule ou avec? C'est la conscience individuelle dans la femme qui doit se développer. J'ai fait une conférence sur l'initiation dans le couple. où j'expliquais que l'homme était l'enclume de la femme, puis la femme l'enclume de l'homme, puis les deux s'enclumaient mutuellement, ce qui fait qu'il y en a un qui évolue, qui pourrait y aller trop vite, mais l'ego ne peut pas le supporter, alors sa femme ou son mari sert d'enclume, fait qu'il évolue plus lentement. Puis on pense toujours qu'un nuit à l'autre, c'est faux, un permet à l'autre d'évoluer d'une façon plus convenable pour son ego, et permet de sécréter en tout cas. Alors si oui, c'est non. Puis la conscience, elle se développe individuellement à l'intérieur de l'homme. Du point de vue de la conscience, du point de vue du phénomène supramental, l'être humain est androgyne. Il n'est ni femelle ni mâle. Par contre, c'est prouvé. C'est préférable d'être sexué pour avoir des enfants. Alors, en bas du phénomène supramental, bien effectivement, il y a, l'intellect, le mental de l'homme qui, lui, est négatif. Le mental de la femme qui va être positif. Il y a le phénomène astral de la femme qui est négatif, le phénomène astral de l'homme qui est positif, il donne des ordres de gueule, la femme a besoin d'affection. Il y a le phénomène vital de la femme qui, là, est positif, le phénomène vital de l'homme qui est négatif. L'homme a besoin d'énergie vitale, donc il recherche le sexe. La femme, elle en a en masse d'énergie vitale, donc elle veut donner la vie. Et au niveau du corps physique, la femme redevient négative, on le sait, on regarde une prise électrique femelle, et l'homme devient positif, c'est-à-dire lui aussi qui donne ses spermatozoïdes. Et il y a une polarité qui est à l'inverse, entre les deux, entre l'homme et la femme, et entre chaque plan. Mais au niveau du plan supramental, tu deviens androgyne, il n'y a pas de sexualité, et un corps physique féminin sécrète plus facilement, donc la femme sera plus sensible, plus émotive, plus manipulable par certaines forces astrales, et l'homme, lui, va sécréter différemment. D'ailleurs, on le sait, les mesdames, les hommes puent plus, plus tard, souvent. Et l'homme va exprimer, il va être aussi manipulable que la femme, d'une façon différente. Ce qui peut permettre de dire que l'homme contrôle plus ses émotions que la femme. Il ne broille pas, il est ci et ça, mais il ne broille pas, il gueule plus, il dit tout ça. Bon, c'est différent. Et au niveau du phénomène supramental ou de l'intelligence, c'est androgyne. Alors, il n'y a vraiment pas de... La femme, elle passe par elle, par son ego, par son canal réincarnationnel, par son ajusteur de pensée, par sa propre fusion. Et son corps sera androgyne aussi, il sera nécessairement stérile. Et l'homme passe par le même genre de phénomène, puis au niveau de la conscience, ça devient androgyne. Et puis, lentement, le corps physique va conserver ses caractères sexuels primaires. Ça va ressembler à un homme, mais il va être stérile aussi quand il aura commencé suffisamment sa fusion avec son double éthérique. Le double éthérique, c'est simplement une mécanique qui ramasse la conscience de l'humain quand si le corps physique disparaît et qu'il le préserve du monde de la mort, il se réincarne par la suite avec. Le Nazaréen, c'est ce qu'il a fait, il avait terrifié son corps physique. Terrifier les Romains. Justement, dans le sujet, tu dis qu'on ne doit pas aller vers la lumière du monde mondontiel. Si la personne qui meurt n'a pas de double complète, comment ne pas y aller? Et si elle en a un, peut-elle ne pas se réincarner? Bon, je dis que l'être humain ne doit pas aller vers la lumière du monde de la mort. Pas la lumière du mondontiel. Quand tu meurs, c'est dedans. Bon. Quand un être humain meurt, un être humain conventionnel, il gagne le monde, le plan mondontiel avec son corps astral, c'est-à-dire son périsprit et son âme. Et là, il voit du monde de la mort, des entités mémorielles qu'il reconnaît, son père, son saint, son chien, des choses comme ça. Et là, ça vient le voir, puis ça lui parle, puis ça veut l'amener vers là, puis ça a l'air tellement, tellement, tellement génial. C'est évident, tu ne souffres plus, tu n'as plus de corps physique pour expérimenter. Ça a l'air très beau. Et quand tu gagnes le monde de la mort, eh bien, tu perds ton enveloppe périspritique et tu meurs une deuxième fois. Là, on peut dire que tu es mort. En réalité, ta conscience est totalement dissoute dans une conscience qui est astrale. Puis quand tu te réincarnes dans un corps physique, c'est quand un corps de chair attire des mémoires qui sont en correspondance avec ses possibilités d'expression, ça crée un être humain qui va être la réincarnation d'un paquet de mémoires de différents individus dans un humain. Puis ça va se réincarner 24 heures sur 24 tout au long de sa vie, le manipulant, et faisant en sorte que l'humain ne se reconnaisse jamais finalement, parce que c'est jamais lui, c'est toujours un paquet d'autres. Maintenant, quand l'être humain va dans le plan morontiel, s'il a un double éthérique, plus on a d'anégoïsation, c'est-à-dire que plus, du point de vue de la psychologie, on devient désassujetti des manipulations extérieures et intérieures, alors à un moment donné, ça pense dans votre tête. De toute façon, l'homme ne pense pas, la femme non plus, il pense qu'il pense, mais c'est comme le clavier. Alors, ça pense dans votre tête à des choses pour vous empêcher de dormir, ou à des choses pour vous faire peur, pour vous faire sécréter. Et là, vous devez essayer de contrôler votre pensée. C'est une partie de l'ego qui est programmée à contrôler l'autre partie de l'ego. L'humain qui finit par ne plus être touchable par ce genre de pensée dans sa tête. Ça pense, le gars, il pense à sauter la fille du voisin, puis il se dit, pense. Puis il continue à boire son verre d'eau. Lui, ça négoïse. L'ego est de plus en plus petit chez lui, alors il n'est plus aussi manipulable par tout le phénomène réincarnationnel, le phénomène du collectivisme. Il est moins manipulable. Si à un moment donné, tu lui piles sur le pied, il chiole pas. Cette mémoire de programmation mécanique qui disparut. Alors, il est un égoïste, il y a de moins en moins d'égo. Il va être capable, comme j'explique souvent, on parle d'homme nouveau ou de femme nouvelle, vous rentrez dans un cinéma, et puis il y a quelqu'un qui vous bouscule, il vous ramasse dehors. Bon, c'est l'homme nouveau, ça ne le dérange pas, pas tout. Il vient pour rentrer, on le bouscule encore, ça ne le dérange pas. Il vient pour rentrer, on le bouscule encore, il planque l'autre, puis il rentre. Mais ça ne l'a toujours pas plus dérangé. Sauf qu'il fallait bien qu'il rentre à un moment donné. C'est tout. Tandis que l'homme ancien, enfin l'animal humain, ben s'il se bousculait, il va sécréter immédiatement. Puis pour pouvoir pousser, il va falloir qu'il se mette en colère un peu. Là. Il dit, ah ben là, c'est assez, puis là, il rentre. Mais pas l'homme nouveau. Quand on a une anégoïsation, toute l'énergie qui constitue l'ego vient premièrement vivifier le corps physique. Alors, de moins en moins, on est malade, on vieillit de moins en moins rapidement. Finalement, on vieillit plus trop, plus pantoute. Puis, dans certains rares corps, on commence à rajeunir. C'est pour ça que je ne fais pas mes séminaires aux enfants qui viennent de naître. Bon. Et puis, c'est une bonne raison. Bon. Et lorsque l'être humain s'anégoïse, lorsqu'il est investi de trop d'énergie vitale, lentement dans le plan morontiel, une copie de son intelligence, une copie de sa conscience commence. Ça ressemble un peu à une espèce de ballon, disons une gomme ballon qui gonfle dans le plan morontiel. Et puis, ça gonfle au fur et à mesure de l'anégoïsation. Puis quand tu sécrètes un peu trop en dedans, bien la ballon, elle se défait lentement. Ça. Puis quand tu es capable d'être suffisamment anégoïque, tu as un double éthérique, c'est ça le double éthérique, suffisamment constitué que si ton corps physique meurt, ton intégrité de conscience gagne le double éthérique et ne va pas dans le plan de le monde de la mort. La personne qui n'a pas un double éthérique suffisamment constitué, tout ce qui est intégré dans le double éthérique est sauvé et tout le reste gagne le monde de la mort. Fait que finalement, ça ne change rien. Le double éthérique commence sa construction par ce qu'il y a de plus intelligent chez toi. C'est nécessairement ça qui ne mourra pas. Fait que si en tant qu'intelligence, ben le reste, on s'en balance. Si l'homme n'a pas choisi sa vie, si l'homme ne choisit rien dans sa vie, que vient-il faire sur cette planète? Ben, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'il vient faire sur la planète s'il a choisi sa vie? Hein? Vive sa vie. Moi, j'ai choisi ma vie, je suis venu ici, puis il va mourir. Ah, tabarnouche, lâchons pas. Alors, la question devrait plus se poser dans ce genre-là. Si l'homme a choisi sa vie, qu'est-ce qu'il est venu faire sur la planète? Ben, demandez ça à n'importe quel humain. Ben, je travaille. Mais non, tu as choisi ta vie. Tu es venu faire quoi sur la planète? C'est bien plus facile de dire j'ai pas choisi ma vie parce que je ne sais pas ce que je suis venu faire sur la planète. En tout cas, ça prouve au moins qu'on n'a pas choisi notre vie. Hein? Mais ça ne répond pas à la question. Qu'est-ce qu'il est venu faire sur la planète? Oui, mais c'est la question, ça répond à la question. Okay. Si l'homme n'a pas choisi sa vie. Ça répond pas à ma question d'abord. Ah, OK. Si l'homme n'a pas choisi sa vie, qu'est-ce qu'il est venu faire sur la planète? Il faut comprendre, premièrement, que l'homme, c'est un paquet de choses. L'homme, c'est pas juste un corps de chair. C'est pas ça, l'homme. Ça, c'est un véhicule. Quand on donne un coup sur la peinture de votre automobile, des fois, ça frustre le chauffeur. Mais le chauffeur, c'est pas l'automobile. Mais il s'identifie à l'automobile. Il souffre pour l'automobile. C'est son auto, puis il y a touché, putain. Mais quand on arrive à décortiquer un peu plus la mécanicité des consciences chez l'homme, il y a une conscience corporelle, qui est le système instinctif biologique, avec le bulbe rachidien, le cervelet, etc. C'est pas ça, l'homme. Ça, c'est une partie de l'homme. La vie, c'est pas l'homme. Ça anime la matière. La mémoire, c'est pas l'homme. Les désirs, c'est pas l'homme. Tu désires seulement ce que tu as expérimenté. Tu peux pas désirer une chose que tu connais pas. Faut que tu l'ailles en mémoire, t'as désir après. L'émotion, c'est l'expression de la psychologie dans le corps physique. Une émotion, c'est toujours biologique. Si tu ne sécrètes pas, s'il n'y a pas de biologie là-dedans, tu sais pas que tu as de l'émotion. Ça, c'est pas l'homme. C'est une partie de l'homme. Après ça, il y a une partie mentale qui, elle, va intelligencer un peu plus les choses, qui logifère sur les mémoires, et qui va essayer d'arriver à des résultats plus logiques. Puis de temps en temps, la logique du mental lutte contre l'émotivité de l'ego. C'est ça correct, mais j'ai pas le goût, mais il fallait pareil, je veux pas, pourquoi je l'ai fait, bon, on s'amuse. C'est pas ça l'homme. Ça c'est l'homme planétaire, ce qu'on peut aussi appeler finalement l'homme psychologique, qui est le corps de chair, le corps vital, la vie, le corps astral, c'est le phénomène des mémoires, des désirs et des émotions, et le plan mental, le plan de logifération. C'est l'homme planétaire, c'est l'homme émotif. Après ça, il y a le plan supramental, au-delà du phénomène humain, qui n'est pas rayonné de la planète Terre, qui ne provient pas de l'expérience humaine comme l'astral, les dieux, la mémoire, l'imagination, les rêves, l'expérience humaine. Le phénomène supramental est un phénomène qui est galactique, qui n'est pas planétaire. Et là, c'est encore une partie de l'homme. Sauf que l'homme, présentement, s'arrête à l'humain planétaire psychologique. Quand il est investi d'intelligence supramentale, l'homme devient un être humain. Disons, l'animal humain devient un être humain. Quand il se fusionne avec l'intelligence supramentale, il devient un être. Là, il est. Pas question d'homme ou de femme là-dedans. Bon. Si on regarde exclusivement l'animal humain planétaire actuel et quelques êtres humains qui ont des bribes de contact supramental, et ça, il y en a de plus en plus dans le contexte nord planétaire. Si on regarde juste le véhicule planétaire de ce qu'est l'homme, son rôle, c'est juste d'entretenir de la biologie, un corps physique. Alors, il y a un ego qui désire des choses, qui le fait lever, qui le fait chialer, qui le fait crier, qui le fait péter, qui le fait sécréter. Et la sécrétion finit par endurcir le corps physique, elle le détruit, elle l'use un peu, mais elle le renforcit. Génétiquement, c'est transmis. Et lentement, à travers des millions d'années, à travers des milliers de générations, le corps physique est de plus en plus solide. Tel est le rôle de l'homme. Actuel, l'animal humain a comme rôle cosmique exclusivement de conserver une mémoire de matière, un corps physique transmissible génétiquement, en l'améliorant par la cellularisation des conditions expérientielles qu'il vit dans sa vie, en le transmettant, en cellularisant, et en recevant à un moment donné l'intelligence, celui qui pitonne le clavier. Le rôle de l'animal humain planétaire est exclusivement d'entretenir un corps physique avec une âme qui se prend pour l'intelligence, donc de l'ego, et de l'égocentrisme, de l'orgueil, pour le remettre à celui qui gère tout ce phénomène. Le rôle humain sur la planète Terre. Pourquoi l'homme est sur la planète Terre? Simplement pour préserver la vie du corps physique, c'est tout. On se reprocrée de père en fils, de mère en fille, et de mère en fils et de père en fille. De temps en temps, de père en je sais pas quoi, puis de mère en je sais pas quoi. Et puis, on transmet la vie. Cosmiquement, le rôle de l'homme, c'est de, on l'a toujours expliqué théologiquement, c'est de revenir vers le centre source, vers le point de création, vers le créateur. Et si on veut parler moins diplomatiquement, le rôle de l'homme, c'est de détruire l'univers, la création. L'homme, qu'est-ce qu'il fait? L'homme, il accumule de la mémoire. La création est une mécanicité qui est spatio-temporalisée, qui est chapeautée par 13 formes de dimensions, qui se résume dans notre contexte à nous sous forme de 4 dimensions, le temps, les 3 dimensions de l'espace, la hauteur, la largeur et la profondeur. Ce phénomène-là est un phénomène mémoriel et qui est exclusif à la conscience astralisée de l'homme, c'est-à-dire que le temps n'existe pas comme nous le concevons ailleurs que dans la conscience de l'homme. Présentement, je lève ma main, mais ma main n'a jamais bougé, là non plus. Dans l'instantanéité des choses, un objet est là où il est. Mais parce que nous avons une mémoire, nous pouvons retracer dans l'instantané de notre mémoire des formes d'un mouvement, et nous appelons cela le passé, le déplacement. L'être humain, qu'est-ce qu'il fait? C'est que toute la création qui a duré un peu plus de 15,5 milliards d'années, la création, elle a commencé et elle s'est achevée. Du point de vue extra-créationnel, c'est réglé. Du point de vue de la création, il y a la mémoire, il y a l'homme, qui, tel un Pac-Man, hein, une souffleuse, gruge toute la création par son expérience, en traversant expérientiellement la mémoire de la création. Il accumule tout ce qui est en avant de lui dans sa structure biologique, vitale, astrale, mentale et supramentale plus tard. En arrière de lui, le passé, il ne reste rien, parce que la création est anéantie par le passage de l'âme. En avant, il reste l'avenir, qui est encore très long, mais le temps, c'est... Quand on parle de longueur, ça dépend des vitesses de déplacement. Il reste encore des milliards d'années à gruger, mais on peut le faire en 30 secondes, ça dépend des vitesses de déplacement. Alors, il y a donc l'homme, le rôle cosmique de l'homme est de restaurer la mémoire en instantanéité, et il n'y aura plus de création, c'est achevé. Bon, à un moment donné, d'autres conférences qu'on va faire dans les semaines qui vont venir, où on pourra en parler un peu plus. Si je communique avec un esprit de la nature, y a-t-il un danger pour que je ne puisse m'en débarrasser par la suite ou que je sois manipulé? Est-ce avec ces mêmes esprits que les chamans communiquent? Oui. Bon, premièrement, le terme esprit est un peu faux. Ce sont des entités de nature, parce que l'esprit, c'est de l'intelligence, et c'est galvaudé suffisamment. Il faut quand même qu'on s'ajuste au niveau des termes. Quand on fait de l'esprit, est-ce que c'est un esprit de la nature qu'on fait? Bon. Une idée est venue dans mon esprit, ça c'est l'âme. Puis j'ai vu un esprit, ça c'est un fantôme, c'est une entité astrale. Quand on parle d'esprit, on parle surtout de phénomènes supramentaux. C'est pourquoi d'ailleurs on a esprit, spirit, spiritualité, mais la spiritualité est encore du ressort de l'âme, alors moi je dis spiritualité pour qu'on comprenne un peu plus. Alors lorsque si je communique avec une entité de la nature, un phénomène de la nature, est-ce qu'il y a des dangers que je ne puisse plus m'en débarrasser? Ben oui, ça dépend de vous, ça dépend du phénomène. Si on communique avec un gnome, un farfadet, ou avec d'autres phénomènes belzébuciens, donc qui sont reliés au plan vital planétaire, comme à peu près n'importe quoi, il va vous expérimenter. Vous expérimentant, il le mémorise. Le mémorisant, il a besoin de réexpérimenter pour ne pas oublier. Du point de vue astral, il a besoin de s'alimenter. Et vous faites partie de l'aliment. Alors, il va donc essayer de vous conserver. Comme vous-même, vous pouvez, si l'entité disparaît, psychologiquement souffrir, vous ennuyer, parce que vous ne pouvez plus vous alimenter, donc vous devez lentement l'oublier. Une mortalité astrale. Maintenant, est-ce que c'est avec ça que les chamans communiquent? Les chamans communiquent à peu près exclusivement avec des phénomènes vitaux, c'est-à-dire telluriques, alors que la magie noire, normalement, communique avec des phénomènes astrales, c'est-à-dire des phénomènes du monde de la mort. Alors, les chamans, habituellement, un chaman, si on prend le terme chaman dans le sens de sorcier très naturel, c'est avec des phénomènes telluriques, donc des entités de la nature. Tu es manipulé à dire que tu choisis la vie que tu vis. Finalement, c'est la souris cobaye qui dit qu'elle manipule le scientifique à lui donner du fromage, ce qui est vrai aussi. Tu es manipulé à croire que tu es conscient des manipulations alors que le fait d'y croire est une manipulation au deuxième degré. Y en a-t-il au troisième et au quatrième degré? Le manipulateur sera-t-il manipulé par ce qu'il manipule un jour? C'est déjà fait? Bon, là on parle de la subtilité des manipulations. Bon. Il y a des gens qui, des séminaristes à un moment donné, qui ont tout compris. Le manipuler, là, ils savent tout. Et puis à un moment donné, eh bien, ils découvrent qu'ils sont totalement manipulés dans ce qu'ils visent, dans ce qu'ils avaient conscientisé. Alors là, maintenant, ils le savent. Et puis là, ben là, ça y est, là. Et à un moment donné, ils découvrent que... Et à un moment donné, ben maudit! Puis finalement, puis là on est rendu au 45e degré, mais c'est tellement plus subtil. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour décoder cette subtilité, ça prouve que le cerveau de ces personnes-là a extrêmement changé. Ça prouve qu'ils sont beaucoup plus vivants et non pas juste mémoriels. Ils ont une capacité d'observation de l'instantané qui dépasse ce qu'ils vivaient avant. Alors il en vient un temps où ils vont décoder continuellement qu'il y a une forme de manipulation parce qu'ils vont comprendre qu'ils sont habités par un virus qu'on appelle l'âme, qui est l'ego. Et là, ils auront leur intelligence qui observe le phénomène manipulateur et manipulable et manipulatif à l'intérieur d'eux. Et, comme dernièrement je disais à certaines de ces personnes, elles me posaient la question, si je commence à avoir la parole, je commence à pouvoir répondre à mes propres questions, maintenant comment puis-je savoir que c'est ça? Et moi, je leur réponds, ben, tu ne sauras jamais. Moi, je ne sais jamais, ce que je dis peut être totalement faux. Rien à voir. Je me permets de changer d'idée comme je change de chemise. Mais ça me permet d'accepter du neuf. Sauf que ce que je dis qui peut être totalement faux, d'ailleurs ce que je dis qui est totalement faux, est totalement vrai pour celui qui ne peut pas dire plus que moi. Mais à un moment donné, moi quand je le dis, je ne fais pas confiance à ce que je dis. Je sais que au niveau où mes oreilles écoutent, c'est totalement vrai. Puis à un niveau plus haut, un jour, je dirai autre chose. Alors, si on pose la question, si je pousse l'objet présentement, je mets de l'énergie pour pousser mon verre. Si j'arrête de pousser, le verre arrête de bouger. Donc, je peux amener une vérité newtonienne, Newton a amené cela, il faut de la force pour engendrer un déplacement. C'est vrai, et on se sert de cette loi-là depuis toujours. Mais on sait maintenant qu'elle est fausse. Parce que si je vais dans l'espace et que je pousse mon verre d'eau, je crée un déplacement. Quand j'arrête de le pousser, il continue éternellement. C'est que sur la Terre, il y a l'attraction, la gravité, une deuxième force, et je dois pousser toujours le verre d'eau pour contrebalancer l'inertie et la gravité. Donc, ma théorie qui dit que sur la Terre, je dois continuellement appliquer de l'énergie, l'essence de l'automobile, c'est ça? C'est pour ça qu'on en brûle tout le long qu'on va à Québec. Mais dans l'espace, on fait un pet énergétique, puis on se ramasse à la lune au bout de 2 semaines. Bon. Alors, sur la Terre, c'est vrai. Mais quand tu vas à un autre niveau, tu dis, c'était faux. Mais si tu redescends là, c'est toujours vrai. Mais c'est toujours faux. Les étoiles envoient une explosion lumineuse, hein, il y a de la lumière, qui voyage à près de 300 000 km à la seconde. Mais si elle est à 3000 années-lumière de nous, ça fait 3000 ans qu'elle a dégagé la lumière qu'on voit. Et si elle a explosé il y a 2000 ans, on va le savoir seulement dans 2000 ans. Présentement, elle n'existe plus, mais on la voit encore. C'est comme le boyau d'arrosage, je vous arrose, quand j'arrête, bien, il y a encore de l'eau qui vient vers vous. Mais je ne vous arrose plus, mais vous continuez à recevoir de l'eau. Mais si je serais à 3 années-lumière d'ici, ça prendrait 3 ans à la vitesse de la lumière pour que l'eau cesse de venir vous mouiller. Mais n'empêche, si les étoiles qu'on voit, la majorité n'existent plus, les marins peuvent continuer à prendre leur position à partir de ça. C'est donc vrai que c'est là, mais c'est faux, c'est plus là. Alors dans bien des phénomènes, c'est la même chose. Alors quand on parle de subtilité, quand on continue sa conscientisation, il y en a. Et c'est pour ça que si on se prend pas au sérieux, eh bien on trouve ça drôle à un moment donné parce que c'est absolument génial. Pourquoi tout est mélangé dans ma tête? Mais parce que tout est mélangé dans sa tête. J'ai quatre questions. OK, la deuxième. À quoi peut servir la clairvoyance? La clairvoyance, ça sert à voir des choses que normalement la voyance ordinaire, ce que nous avons, ne voit pas. Mais c'est un peu comme si un individu avait une station radio chez vous, puis il écoute le poste que vous ne pouvez pas écouter. À quoi ça sert d'avoir ce poste-là? Bon, ça dépend bien gros des individus. Puis la clairvoyance te permet d'avoir un contact médiumnique avec le monde de la mort, ou avec les annales akashiques, ou avec une extrapolation dans le monde de la mort de phénomènes événementiels, qu'on appelle l'avenir, mais ce n'est pas l'avenir, c'est un futur possible. Et bien souvent, ça manipule et ça leurre encore plus le clairvoyant et ceux qui vont le voir, bien souvent, pas toujours, que celui qui ne l'a pas. Bon. Alors, l'aveugle ne peut pas dire « vous êtes laid », celui qui voit, il peut dire « vous êtes laid » ou « vous êtes beau ». Alors, ça a un avantage de voir, mais du point de vue cosmique, ça peut avoir un inconvénient, ça dépend de l'ego, ça dépend de la programmation qui est en dedans. La clairvoyance, ça peut aider, mais plus souvent qu'autrement, ça perturbe. Pourquoi j'ai l'impression de régresser? Pourquoi je cherche? Quand un individu a l'impression de régresser, il avance. Alors, je donne très brièvement un exemple. Vous pourrez faire le parallèle. Vous devez travailler un petit peu. Quand une personne décide de faire un jeûne pour maigrir, eh bien, et après, elle veut s'occuper de sa santé, elle veut être moins irritable, elle veut se reposer, tout ça. Eh bien, à un moment donné, elle, dans son jeûne, elle devient plus irritable, plus colérique. Puis là, elle se dit, crime, on dirait que ça rempire. C'est qu'étant donné que tout le phénomène astral sécrète des hormones, et c'est le corps réagissant aux hormones traduit notre émotion, nos problèmes, ou nos réussites émotives, et le corps, les graisses et les muscles, le cerveau ont une grande capacité de stocker des hormones. Quand on commence un jeûne, ben les graisses fondantes et les hormones sont relibérées dans le système sanguin, le corps réagit à ces hormones-là. Tu te dis, crime, pourtant, j'ai comme une palpitation, je me sens, j'ai peur et je n'ai pas de raison. Il me semble que je régresse plus que je jeûne. Non, tu purifies ton corps. Mais du point de vue de la lecture astrale, ça a l'air laid en montant dit. Alors, la personne veut commencer à être plus pacifique, et puis là, ben, elle est plus irritée. T'as qu'à te relaxer chez vous. Puis quand les enfants rentrent et claquent la porte, tu grimpes plus qu'avant de te relaxer. Alors, il y a donc un paquet de mécanicités qui vont faire qu'un individu peut avoir l'impression qu'elle régresse, mais c'est totalement faux. C'est un beau jeu de son ego, de l'astral qui l'a manipulé avant, qui essaie de la récupérer. Quand on a l'impression qu'on régresse, on ne régresse pas. On purifie les choses. Alors évidemment, ça s'appuie un peu plus. Le système hormonal étant dérangé par l'ablation du ovaire, cela change-t-il quelque chose au processus d'évolution? Oui. Ça change quoi? Ah, OK. La question n'est pas... J'aimerais que ça voit si ça change quelque chose. Oui. Ça va forcer l'âme à travers l'interprétateur rationnel. L'âme est en contact via ce qu'il est, la psychologie et le corps, par le biais de l'hypothalamus, du corps vers la psychologie par le biais du thalamus. L'hypothalamus contrôle habituellement en grosse majorité la glande hypophyse, qui est la chef d'orchestre du système endocrinien. En ayant une glande de moins, ça force le phénomène astral à trouver un autre médium, un autre moyen d'exprimer certaines formes émotives. En ayant une glande de moins, ça peut perturber le corps physique. Je dis cela pour pas que vous partiez tous vous faire ôter vos glandes. Mais en même temps, ça permet à la personne, elle a changé après l'ablation, il y a eu un changement psychologique, elle ne peut pas y avoir échappé. Comme lorsque la femme devient ménopausée ou l'homme anthroposé, bien la ménopause, ça change la femme. Ben oui, parce qu'il y a des sécrétions hormonales qui ne se font plus. Fait que l'ego ne se reconnaît plus. C'est normal, il ne peut plus exprimer comme il faisait avant. La femme devra s'adapter, l'astral devra trouver d'autres mécanicités, ou la psychologie de la femme, donc, va changer. C'est pas le choix, l'ego ne peut plus se lire, il s'oublie, il change. Alors, normalement, c'est pas mauvais pour l'évolution, c'est même bien dans la majorité des cas, parce que ça force l'ego à s'adapter à du neuf, il ne peut plus s'exprimer de la même façon, la personne est donc manipulable d'une nouvelle façon, et normalement, c'est positif. Mais évidemment, plus on a de glandes, mieux c'est, parce que le corps physique en a besoin, ce qui fait qu'on ne sent pas tout se faire ôter les amygdales. Bon. Jésus-Christ avait-il le libre arbitre, et était-il dans l'intelligence instantanée? Bon, Jésus-Christ n'avait pas de libre arbitre et il était dans l'intelligence instantanée. Mais on pourrait revenir un peu plus tard parce qu'on pourrait dire bien des choses là-dessus, mais on va avancer un peu sur les autres questions puis on pourra revenir. Est-ce pour une raison karmique qu'un enfant est adopté, pour l'enfant comme pour les parents? Oui, c'est en plein ça. Une raison karmique, blanc et noir, habituellement gris, pour les deux. Qui est le clavier? Ça, on va revenir dans d'autres conférences, ce qui fait que je ne me mets... OK, sinon ça passera à côté, sur le temps, on pourra... Les alcooliques, les drogués et surtout les handicapés, comment se fait-il qu'ils ont le lourd fardeau de supporter le karma collectif et pourquoi eux? Mais pas et surtout les handicapés, OK, c'est un problème ça. J'ai fait une conférence sur l'évolution des handicapés. Alors, à un moment donné, si on va avoir plus de détails, on pourra fouiller là. Maintenant, les alcooliques, les drogués et surtout, non, et les handicapés, comment se fait-il qu'ils ont le lourd fardeau à supporter du karma collectif, pourquoi eux? Alors, je donne souvent cet exemple, je vais la passer très rapidement. C'est toi qui vas supporter le karma collectif, puis elle a dit, pourquoi moi? Avec l'intelligence, dit, OK, c'est toi, pourquoi moi? C'est toi, pourquoi moi? C'est toi, pourquoi moi? C'est parce qu'il faut quelqu'un, merde, c'est toi. Alors, à un moment donné, c'est pourquoi moi? Ben, c'est parce que c'est ça. Maintenant, l'handicapé, parce que souvent les parents, ils disaient, quand tu es handicapé, tu payes un karma des vies antérieures. C'est une farce totale. L'enfant qui est handicapé, il ne paye pas rien, ses parents. Aura une conscience individuelle. Et toute la structure évolutive de l'homme, il y a un phénomène dans le plan spirituel qui est intéressant lorsque l'on dit qu'on est frères et sœurs en esprit. Sauf que toutes les personnes qui sont ici, vous avez des frères et sœurs en esprit dans la salle, mais pas tous. Alors, on n'est pas tous reliés au même faisceau d'intelligence, même si du point de vue de l'extérieur de notre galaxie, ça se ramasse en trois faisceaux, et puis finalement, un faisceau ou disons une substance énergétique, on parle de faisceau, mais c'est pas un faisceau, c'est une brume. Et les handicapés, les drogués, les alcooliques, tout ce qu'ils ont à faire, c'est comme dans bien des familles d'ailleurs, et quand je dis cela de temps en temps à des personnes, ça les rend un petit peu malades, ça les rend coupables, ça ne devrait pas, je le dis pareil, ça ne devrait pas faire cela. C'est que dans une famille, il y en a un dans la famille qui évolue mieux que les autres, qui comprend plus, qui est plus chanceux, puis il y en a toujours un autre qui est plus problématique, il y a des exceptions évidemment dans le lot. Eh bien oui, celui qui est là, ben, il ramasse toutes les cochonneries pour se libérer toi. Et c'est comme ça. Et c'est pourquoi pensez-vous que dans le contexte non-planétaire, on n'est pas pire, et qu'il y a le Bangladesh, l'Inde, il y a un paquet de pays sous-développés, il y a un paquet de misère partout, des guerres, des famines, des tremblements de terre. Ben faut bien. L'Union soviétique, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire dernièrement? Il y a à peu près un an et demi, ça a commencé. C'était quoi? C'était de se capitaliser dans le communisme, d'augmenter le niveau social des gens, d'éliminer un peu le phénomène militaire pour pouvoir prendre de l'argent pour relancer des industries. Alors, là-bas, ça tremble. Parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui souffrent pour ramasser du karma si on veut libérer ceux qui devront monter. C'est simplement question de balance et c'est de la justice, c'est juste. C'est juste pour la simple raison qu'on ne peut pas... Si je dois donner... Ben, c'est comme si on doit tout s'entraîner à être en forme physiquement, mais on ne sait pas comment. On doit apprendre à faire des sauts périlleux et revenir sans se casser la gueule. Mais si on veut tout apprendre en même temps, il va y avoir un problème. Il faudra qu'il y en ait un qui regarde celui qui le fait. Il faudra que celui qui regarde, ben, comprenne mieux. Puis celui qui va le faire, ben, on lui laisse la trampoline, on lui laisse le tapis. On le nourrit, on le paye, on lui donne un automobile, puis nous autres, on travaille. Tout à côté pour lui permettre d'avoir le temps d'apprendre tout ça. Puis quand il a réussi, ben là, on filme, on étudie, on apprend, puis on arrive à trouver une manière de l'enseigner. D'après ça, on va voir ceux qui travaillaient, puis on va chercher ceux qui sont encore en train de sauter, puis on les amène dans la salle. Mais tout le monde doit payer pour qu'ils apprennent. Et puis là, ils apprennent. Bon, ben maintenant, on sait comment leur enseigner. Puis là, en apprenant, bien, on forme des professeurs. Formant des professeurs, on trouve aussi de nouvelles façons de pédagogiser les individus. Puis là, lentement, on les ramène là. Et puis à un moment donné, ben, tout le monde peut sauter. Mais on va aller chercher d'autres choses. Alors, il y aura encore des gens qui vont travailler pour permettre à d'autres de monter. Mais ceux qui montent, à un moment donné, vont être capables de pédagogiser, d'instruire ou de convertir, dépendant de où ça monte. C'est ça. C'est un principe de mécanique qui est absolument convenable. Lorsqu'il y a quelque chose dont je ne peux mettre de nom dessus, demande à la partie intelligente de l'intérieur de moi de guérir le corps physique d'un mal de tête et que celui-ci disparaît. A-t-on affaire à ce moment-là à du libre arbitre, à un certain contrôle de l'intelligence? Explique. Si la personne aurait un libre arbitre, elle n'aurait pas de mal de tête à guérir. On comprenne les subtilités des choses. Alors, ce n'est pas un libre arbitre. Pourquoi? Parce que son mal de tête la manipule à faire quelque chose. Soit à entrer en contact avec son corps vital, qu'elle peut appeler intelligence, bon, parce qu'elle ne sait pas avec quoi elle travaille, soit avec de l'intelligence supramentale, c'est dans le corps physique de l'énergie vitale, donc ça peut guérir, ça replace les choses. Ou simplement, l'ego s'en remet à quelque chose d'autre. Intelligence, ce que l'ego appelle, ça humilise l'ego. Ça l'anégoïse. La pression égoïque est moindre et le mal de tête disparaît. Alors, il y a plusieurs phénomènes. Mais le fait d'avoir un mal de tête, c'est qu'on n'a pas de libre arbitre. L'humain est-il responsable, souligné, d'un seul geste, d'un seul acte ou d'une seule parole s'il n'a pas de libre arbitre? La responsabilité parentale, professionnelle, existentielle, voire même inexistentielle, serait-elle une farce ou une autre illusion cosmique ou créationnelle? Explique. Bon, il y a une conférence qui s'en vient prochainement, je ne sais pas si tu te rappelles du titre, mais qui a rapport justement à ce phénomène-là. Payez-vous trop cher pour vos actes? Non, vous non. Payez trop cher pour vos actes, puis on va vous dire qui doit payer. Bon, une prochaine conférence. C'est que vous êtes responsable, mais pas coupable. Oui. L'être humain, quand on parle de responsabilité, il faut s'entendre. Du point de vue extrêmement humain, effectivement, on est responsable en ce sens qu'on nous oblige à répondre de nos actes. Réponse. C'est l'ancien mot responsable. Mais on n'est totalement pas coupable. Et pour être sûr que l'humain, il y a des contingences dans la manipulation involo-évolutive de l'homme qui force toujours l'humain à ne pas trop évoluer, sinon à involuer. Mais ça ne fonctionne pas, mais ça fait souffrir l'humain. Dans cette mécanicité-là, on a placé l'idée du libre arbitre chez l'homme. Alors, quand moi je te fais faire quelque chose de croche, t'as un libre arbitre. C'est ta faute. Et pour que la conscience astrale de l'homme prennent dans le jeu, on l'a investi de la faculté de se culpabiliser. Ah, il se sent coupable. J'aurais pas dû faire ça. Et là, la question que moi je pose, c'est que si tu n'aurais pas dû faire ça, si tu l'aurais su, l'aurais-tu fait? Non. Ben, on n'avait rien qu'à te le dire. C'est pas coupable. OK? Facile à comprendre. L'humain est-il responsable d'un seul geste? Alors, on le place responsable, il paye pour. La cochonnerie qui vous manipule tue quelqu'un. L'intelligence chez vous dit qu'est-ce qui m'a pris? Puis moi, le juge, je mets le corps physique en prison. Parce que ce qui manipule pour tuer est dedans, je le mets en prison. Et là, ce qui est intelligent, ben, est dans le même corps, c'est en prison avec. Puis pendant que l'humain est en prison, l'intelligence se dit, mais pourquoi, qu'est-ce que je fais là? J'aurais pas dû, qu'est-ce qui m'a pris, qu'est-ce qui est bon? Culpabilité. L'intelligence, au lieu de voir lucidement ce qui se passe, ben, se brûle énergétiquement dans la culpabilité. Ça stagne un petit peu l'humain, mais ça l'amène aussi proche de l'écœurement à un moment donné. Alors, si responsable dans le sens coupable, non, de rien. Alors, quelqu'un va me dire, donc, si je ne suis pas coupable de rien, je peux me lever et venir te maudire une fois en face, puis ce n'est pas de ma faute. La réponse, c'est exactement ça. Puis moi, je peux vous maudire un coup de pied après ça, ce n'est pas de ma faute non plus. Mais c'est vrai, c'est en plein ça. C'est réactionnel, c'est mécanique. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Alors, il y a des personnes qui ne comprennent pas trop, à un moment donné, qui me disent, ouais, ça veut dire qu'avec ce que tu nous dis là, on va aller pour au-dessus du monde. Puis, comme j'ai déjà posé à Charles, maintenant, si tu sais que tu es coupable de rien, peux-tu aller tuer quelqu'un? Non, il n'est pas bossé pour tuer, il ne peut pas. C'est fini là, il n'y a pas de danger, ce que je le dis. Le tueur continue à tuer, puis celui qui ne tue pas, il ne tuera pas plus. Mais on va se libérer de la culpabilité, ce qui va aider en maudit. Fais-tu de la magie noire et pourquoi les gens partent de ces rumeurs? Pas ça, les rumeurs. Oui, il y a une rumeur, à un moment donné, qui traînait quelque part, puis quelqu'un l'a ramassé. J'ai expliqué la semaine dernière ce que c'était que la magie noire. La magie noire, c'est tout ce qui ne fait pas partie d'un contingent, la magie blanche, qui en fait partie. Alors, j'expliquais, si vous guérissez les individus, c'est sans doute le diable. Si vous avez une bébé en dessous du bras, ah, là, c'est Dieu. La magie noire, c'est tout ce qui ne fait pas partie d'un point de vue. Alors, si moi, je manipule les gens pour les convertir à ma religion, c'est la magie blanche, selon moi et ma religion. Si un chrétien convertit quelqu'un, c'est la magie noire. Et si moi, je convertis quelqu'un à ma religion, c'est la magie noire pour le chrétien. Oh, c'est le même phénomène. Puis de la magie, c'est quoi? C'est travailler avec des forces de manipulation. J'ai dit, et je le dis souvent en conférence, moi je m'attaque totalement à ce qui manipule dans l'inconscience, la conscience de l'homme. Oh, si pour l'inconscience, c'est de la magie noire, je fais de la magie noire. Mais quand on se réfère à des médiums pour savoir qui je suis, c'est toujours laid. Il n'y a pas le choix. Le médium est manipulé. Moi, je travaille contre ce qui manipule la conscience de l'homme. L'homme doit devenir son seul maître. Alors, évidemment, de ce point de vue-là, il ne faut pas s'attendre à avoir des réponses très blanches, mais je ne fais aucune magie. Quel est le rôle du monde de la mort et quel est son but final? Le monde de la mort, c'est l'accumulation d'énergie qui descend de l'extraterrestrialité de notre monde, donc des phénomènes qui ne proviennent pas de notre planète, qui sont absorbés par l'humain, soit mécanicité supramentale, bouddhique, intentionnelle, qui sont récupérés par l'humain. L'humain les exprime en structure émotive, structure astrale, en guerre, en déchéance, en construction, en innovation. Ça engendre une accumulation, le corps physique ne peut pas supporter l'expérience assez longtemps, alors il se dégrade et meurt. Le monde de la mort, c'est une banque d'énergie, et à un moment donné, quand on aura suffisamment de conscience et d'instantanéité, il y a des humains qui vont aller puiser dans le monde de la mort, donc ils vont dissoudre le monde de la mort lentement, pour retransformer la matière en quelque chose d'autre. Dans des termes reliés à Jean de Patmos, ben un jour l'homme voudra se tuer, trouvera pas la mort, il n'y aura plus de monde de la mort, on l'aura terrestrifié, on l'aura descendu à l'échelle de la planète. Le monde de la mort, c'est une banque, comme le disait le Nazaréen avec, mieux vaut mettre notre trésor dans le ciel, où on ne peut pas le voler, où il ne se corrompt pas. Fait que tant qu'à aimer une idole, aime donc le ciel ou Dieu. Tant qu'à haïr quelqu'un, ben, prie donc pour son salut. Fait que tant qu'à mettre de l'énergie où on ne sait pas trop, ou à la mettre dans la matière pour aimer ça, ben, ça s'en va tout. Tu le places dans le ciel, puis un jour, vous allez pouvoir aller à la banque, quand vous aurez la carte qu'il faut, puis on va vous remettre votre argent. Alors, le monde de la mort, il sert simplement à finaliser la l'éthérification de l'humanité dans une époque qui est quand même relativement proche. Ça varie entre quelques centaines à quelques milliers d'années pour la majorité des humains. Pourquoi je connais le bien et que je continue de voler, mentir, aimer le sexe et qu'il y a un côté de moi qui aime la violence? Mais oui, l'humain n'a pas de libre arbitre. Il n'a pas choisi sa vie. Alors, il y a une partie de son ego, de son intelligence qui, le bien est une farce, qui comprend l'écologie, la logique familiale. Le monde est une espèce de famille, école veut dire famille, logis, l'étude de la chose. Alors, elle comprend l'intelligence de l'écologie, la conséquentialité des choses, mais elle continue à être manipulée par des principes astrales, égoïques, divins, sataniques, comme vous voudrez, qui la manipulent encore à faire des choses. Et on la force à se culpabiliser. Alors, l'individu va finir, à un moment donné, par être désassujetti de ces formes de manipulation-là. Mais il ne faut pas qu'elle se culpabilise, parce que plus elle se culpabilise, plus de temps ça prend. Parce que la frustration, la culpabilité, ça nourrit l'astral, pas le mental. Puis d'un autre côté, est-ce que la culpabilité n'amènerait pas plus vite à l'écœurement? Non. Ou pas nécessairement? Non. La culpabilité n'amène pas à l'écœurement. Quand tu te sens coupable, tu n'es pas écœuré. Tu te maudis, tu ne t'aimes pas, tu grues, tu te digères à toi-même. C'est un ulcère humain. Bon. Mais quand tu sais que c'est pas de ta faute, alors là, si tu veux t'écœurer vite, c'est bien mieux. Peux-tu expliquer le fil d'Ariane le conduisant au Minotaure? Merci. Oui, je peux l'expliquer. Explique-le donc. Ah bon, on va revenir, c'est un peu long. C'est bien. Après avoir passé ma première initiation de la deuxième race des élus, brisure totale et sans procréation, dois-je rester seul, sans compagne et sexe? Ça, c'est une question, il y en a deux autres. On commence par une. Dois-je être une farce? Vous allez faire ce que vous allez faire. Ça, c'est sûr. Alors, je n'irai pas rajouter de la manipulation dans ce qu'on vous manipule déjà. L'individu qui dit avoir fait cela aura exactement ce qu'il aura besoin de savoir quand c'est le temps qu'il le sache. Quand la préscience vient-elle? C'est en plein ça, quand elle vient. D'où provient cette guerre entre ces divinités bonnes et mauvaises, ou mauvaises? Les divinités bonnes sont celles qui sont énergétiquement en haut un peu de ce qui constitue l'astral de l'humain. Les divinités mauvaises, celles qui sont un petit peu en bas. Les divinités mauvaises, c'est comme de la glace qui se rapproche du verre d'eau qui est l'homme. La glace se réchauffe au contact de l'eau, mais elle refroidit l'eau. Alors on appelle ça mauvais parce que ça nous baisse en vibration. Les divinités bonnes, ben, c'est la vapeur d'eau ou la chaleur. Puis nous allons nous rapprocher d'elle et nous allons la traiter. Nous sommes donc très mauvais pour elle. Mais nous l'appelons bonne parce qu'elle nous réchauffe en vibration. Et nécessairement, dans l'astral, il y a des mécaniques qui sont très réchauffées, qui se nourrissent de l'homme, des mécaniques très refroidies. Il y en a, je sais d'ailleurs, qu'il y a des égos et des mécaniques qui mettent leur chandail, là. Alors, c'est refroidi. Et ces mécaniques-là veulent se nourrir de l'homme, alors ça manipule l'homme. Et comme ça manipule l'homme, ça a besoin d'être nourri par l'homme. Pour être nourri par l'homme, ça doit avoir un canal qui la relie à l'homme. Ce canal-là, c'est le nom, le prénom, entre autres. C'est pourquoi les religions baptisent. Si vous devenez juif, on va vous baptiser Jacob ou Isaac. Si vous devenez Jéhovah, on vous rebaptise. Si vous devenez Pape, on vous rebaptise. On vous connaît à la bonne place. Et les divinités se servent donc de l'homme, ils ont besoin de l'énergie motive de l'homme pour ne pas mourir, être oublié. Alors, dans le monde de la mort, dans le ciel, il y a donc une guerre entre les divinités bonnes, entre elles, entre Jéhovah et Yahvé, entre Moroni et Krishna. Et il y a aussi une guerre entre les divinités mauvaises, parce que ceux qui font le culte de Satan, il y en a c'est Lucifer, il y en a c'est Mammon, il y en a c'est d'autres. Et entre les deux, il y en a aussi, pourquoi? Parce qu'on a besoin de fidèles. Alors, on veut convertir, on veut plus il y aura de personnes pour prier tel Dieu, plus ce Dieu-là sera énergisé. Et il y a donc une guerre dans le ciel, une guerre entre les dieux. Et bien souvent, ça se répercute en guerre sur la planète. Les djihadades, les guerres saintes, comme le Troisième Reich, comme l'islam à certaines places veut faire, comme les croisades, comme quasiment toutes les guerres. Comment un couple qui au départ avait des raisons intelligentes de vivre ensemble peut-il en arriver après 10 ans de vie commune à ne plus avoir de raison à vivre ensemble? L'intelligence a-t-elle changé d'idée? Quand j'étais petit, je voyais l'intelligence avoir des couches. Mais 10 ans après, l'intelligence n'a toujours pas changé d'idée. Mais je ne voyais plus l'intelligence avoir des couches. Bon. Les deux individus ont des mécaniques à aller chercher ensemble, c'est-à-dire qu'ils ont à apprendre. Ils vont apprendre et se former. Bon, maintenant qu'ils se sont formés, ils ne sont pas nécessairement mauvais l'un pour l'autre. Sauf que peut-être que la raison intelligente de rester ensemble n'est plus là. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent se séparer, mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent rester ensemble. Mais l'intelligence n'a pas changé d'idée. Il n'y a pas d'intelligence qui dit que toi puis toi, vous restez ensemble toute votre vie. Quand on vivait 30 ans, on pouvait se marier pour toute la vie. C'était facile. Bon, ça a commencé dans ce temps-là. Aujourd'hui, on vit 60, 70, 80 ans. Bien là, vivre toute sa vie ensemble, c'est un autre paire de manches. C'est plus là. Oui. Alors, vu qu'on est traditionnel, on continue à préserver les mêmes traditions qui étaient très applicables dans le passé, mais c'est autre chose aujourd'hui. Alors, l'humain qui voit l'intelligence de vivre ensemble, cohabiter ensemble, c'est parfaitement intelligent. Quand, à un moment donné, ce qu'on avait à se structurer, puis là, on peut rester ensemble pour partager le loyer, partager des choses, comme on peut ne pas rester ensemble. Mais on ne doit pas s'en aller en saillissant. Ça, c'est l'animal qui fait ça. On doit s'en aller parce qu'il y a... voilà, c'est ça. L'intelligence n'a pas changé d'idée. C'est l'humain qui a changé. Pourquoi l'erreur de cette création? Car on savait que l'homme s'en sortira. Oui, c'est que l'homme n'a pas été créé par accident, lui. L'homme est la solution à la création. C'est des choses que je parle de temps en temps dans des... soit les conférences réservées aux séminaristes, soit aux séminaires, parce que, émotivement, un public qui est un peu trop nouveau pourrait colorer les choses. Alors, l'être humain est intentionnel. C'est une solution. Il y a d'autres solutions qui vont se grouper, à un moment donné, au niveau créationnel. La création elle-même, du point de vue de l'homme ou du point de vue de ce qui est à l'intérieur, du point de vue de l'intra-créationnalité, c'est un accident. Du point de vue de l'extra-créationnalité, là où il n'y a ni temps ni espace, l'univers, la création n'existe même plus. Alors finalement, il n'y a pas d'accident là. Quand l'homme va avoir totalement fini son travail, l'univers et la création n'auront jamais existé. C'est des choses qu'on parle à un moment donné, mais c'est bien. Dans la Genèse, tu dis que Lucifer et l'homme sont des êtres de lumière, mais dans une autre cassette, tu dis être de lumière, c'est dépassé. Ah oui, c'est sûr. Hein, vous l'avez dit que je peux changer d'idée. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que dans la Genèse, on parle de Lucifer. Lucifer veut dire porteur de lumière. Bon. Et dans d'autres contextes, tout à l'heure, je vous expliquais qu'une chose est vraie là. Si on veut aller là, ah ben là, on change de chose. Si on descend là, ben on est différent. Si on vient là, c'est encore vrai. Lucifer veut dire porteur de lumière. Et si on parlait de la Genèse, Dieu parfait crée tout à la perfection. Mais à travers la perfection, apparemment qu'on était tellement parfait qu'on a même réussi à faire une chute. Il a manqué un bout quelque part. Bon, parce que si, bon. Puis après ça, Lucifer qui est un porteur de lumière, Lucifer veut dire porteur de lumière. Si Lucifer échappe totalement à Dieu pour venir pervertir la conscience astrale ou la conscience amique de l'homme, bien c'est que Dieu a manqué son coup en créant Lucifer, où il contrôlait mal ce qu'il faisait. Ou bien, Lucifer était mandaté pour faire ça, pour faire croire à la conscience amique de l'homme qui avait eu une chute, créant le libre-arbitre et la culpabilité et obligeant l'humain à se confronter pendant des millions d'années à être un petit, un médiocre. Ok. Alors, vu de ce point de vue-là, Lucifer est peut-être beaucoup plus brillant. En fait, il est pas mal plus puissant que moi, vu de ce côté-là, parce que moi, j'arriverais pas à pervertir l'humain. Alors, c'est facile de dire, bon, si Lucifer savait ce qu'il faisait, fallait que ce soit puissant, moi t'as dit pour dire, bon, mais je sais qu'ils vont souffrir, je sais que, etc., mais c'est ce qu'il faut pour. Le parent qui doit chicaner son enfant, s'il est bien puissant, il va être capable de chicaner, puis s'il faut taper, il va taper. Sinon, il va punir. Puis si l'enfant braille, crie, etc., ça le touchera pas. Il est suffisamment évolué. C'est sûr que s'il est suffisamment évolué, ça le dérangera pas, mais là, il va bûcher trop fort. Alors, mais Lucifer, ça veut dire porteur de lumière, puis si on parle d'un être créateur, de perfection, Lucifer devait donc être mandaté. Parce que le Christ n'a pas dit, tu dis que Judas se pend, mais dans une autre cassette, c'est le grand prêtre. Oui. Quoi? Pour la simple raison que je m'adapte encore à certaines choses et au fur et à mesure des découvertes des phénomènes, eh bien, on ajuste un peu plus. Je disais Judas se pend parce que j'avais déjà en masse de neuf amené à l'humain. Et à un moment donné, il y a un personnage qui est venu me voir qui m'a dit, je sais de qui je suis la réincarnation. Et moi aussi, je savais de qui il était. En grosse majorité, et c'était de Judas. Alors, j'ai donc expliqué par la suite, il était là lors de la conférence, une vérité qui était un peu plus grande, c'est que Judas ne s'est pas pendu et merde, tant pis pour les traditions, et c'est Melchisedec, le prêtre de la justice assyrienne de l'époque, qui avait tout fait pour que le Nazaréen devienne le chef des Zélotes. Ça première guérillera. Alors, c'est pourquoi j'ai ajusté ces choses-là. Mais quand je parle encore à des personnes neuves, c'est déjà assez compliqué de dire que Judas était le meilleur ami de Jésus, du Nazaréen, que Judas devait le livrer aux Romains, et que Judas, finalement, a livré Melchisédek, trahissant le Nazaréen. C'est pourquoi dans la Bible, lorsque les Romains s'emparent du bonhomme, le Nazaréen réplique, c'est moi. Enfin, ben, c'est correct, c'est lui. Puis là, Judas, ben, voyant que de toute façon, pensons-y un peu, le Nazaréen, il discute à la table avec tout le monde, les 12 apôtres, et on lui demande, qui va te trahir? Qui a été choisi? Celui qui va mettre sa main et son pain en même temps que moi dans le bol, c'est celui-là. Mais non, si le cave, il le sait, il ne met pas sa main dans le bol en même temps. Sauf si c'est un signe pour dire, ben c'est lui. T'as compris? Fait que maintenant, fais ce que tu as à faire. Crime, Pierre, il y en a même Marc, il y en a qui ont sauté sur les Romains quand ils sont venus. Pas un saut sur Judas quand tu t'en vas. Mais non, c'était correct, c'était prévu. Il avait même prévu, je dois mourir et revenir. Bon, ben bout de plug, c'est comme ça va marcher. Mais Judas n'a pas été assez fort. Pierre était la plus tapette. Mais Judas n'a pas été assez fort. Il n'a pas réussi à vendre le Nazaréen, mais le Nazaréen s'est finalement accompli les choses. Judas voyant ça, ben, il est parti. Puis Judas a fait d'autres choses plus tard. Puis c'est Melchisédek qui s'est pendu, mais ça, c'était long à expliquer. Là. Comment peut-on mettre plus de conscience dans sa parole? En s'écoutant parler. Durant mon sommeil, il m'est arrivé à quelques reprises de me faire réveiller par un bruit fort et sec, fracassant. Ce bruit n'était pas d'origine terrestre. Quelle est l'origine et la cause de ce bruit? Astral. À une occasion, moi et ma fille de 7 ans avons été réveillés simultanément par ce même bruit et pas les autres dormeurs présents dans la maison. Explique cette situation. C'est un acouphène, ça vient d'un phénomène astral. Expliquer la situation, ben oui, sans faire attention quand même aux colorations émotives. Quand je dis cela, c'est qu'il y a des choses qu'on peut dire à un moment donné, puis là, ça fait juste vous permettre d'avoir des informations pour qu'on vous récupère plus facilement, puis qu'on vous charrie plus facilement. Pour ça, des fois, il faut faire attention à ce qu'on donne comme réponse. Lentement, l'individu finit par être capable de contrôler plus facilement son ego. Alors ici, il y a une entité qui frappe à la porte. Il veut communiquer avec quelqu'un. Si l'adulte ne le prend pas, on essaye la fille. S'il n'y a pas assez de crédibilité dans l'ego de l'adulte, ben, en faisant mutuellement à deux personnes, l'ego devrait dire, bon, ben merde, il est un autre, ça crée de la crédibilité. Est-ce que c'est mauvais ou pas? Ça, ça n'a rien à voir. Est-ce que c'est dangereux ou pas? Ça dépend. Si l'individu a peur, c'est dangereux. Si l'individu n'a pas peur, c'est pas dangereux. Ce n'est donc pas l'entité qui est dangereuse, mais ce que l'individu en fait lorsqu'il a un contact avec. Est-ce qu'on devrait aller chercher un contact? Non. Si le contact vient, ben on doit vraiment donner poliment, le retourner chez lui. Si c'est pas, ça ne marche pas, ben on devra carrément, rapidement, puis directement l'envoyer promener. Ça marche toujours si on le fait correctement. Mais présentement, c'est ça, c'est quelqu'un qui frappe à la porte. Vous avez parlé des deux premiers pas dans la mort, quitter le corps physique et être digéré par le monde astral. Si la mort, c'est le trépas, troisième pas, quel est le troisième pas, s'il vous plaît, expliquez. Bon, alors, c'est un jeu de mots intéressant, mais le trépas, à peu près personne ne trépasse. Le trépas, c'est la mécanicité la plus basse, c'est la vibration la plus dense qui constitue une âme qui, lorsqu'elle gagne le monde de la mort, est la première digérée. Et si elle ne peut pas se réincarner rapidement dans des corps physiques, la partie la plus basse du monde de la mort devient de l'énergie vitale, donc là, c'est une mort totale, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de mémoire événementielle là-dedans. Mais c'est pas grave, c'est les pires cochonneries qui ont été engendrées par l'espèce humaine puis par les forces manipulatrices involuantes depuis le début de notre évolution. On pourrait parler de trépas là. Maintenant, lorsque l'être humain vit comme aujourd'hui, la majorité de ce qu'un être humain a, à part encore dans certains contextes biologiques, mais ça n'y en a, on en retrouve à peu près pas ici, dans le contexte nord planétaire, que l'humain a, il ne vit pas ce trépas parce qu'il gagne le monde de la mort, il est digéré dans des strates plus hautes, et tout ça doit être digéré par le plan vital avant que ça en arrive là. Alors, ça se réincarne plus souvent qu'autrement bien avant, mais c'est toujours les pires cochonneries qui vont trépasser. Alors, il n'y a pas de trépas du point de vue plaisant pour l'ego. Si le logiciel est une question de génération, quelle est l'intelligence de conserver sur la planète des reproducteurs qui se sont reproduits à 20 ans jusqu'à temps qu'ils meurent, puisque ce sont leurs enfants qui sont le nouveau logiciel? Quand ils n'ont plus de génétique à transmettre, servent-ils seulement à supporter le karma? Ils servent à supporter le karma, mais il faut faire aussi autre chose, c'est que il n'y a pas d'ingérence directe de l'intelligence à travers la mécanique collective de l'homme. Il peut y avoir un contact individuel entre une conscience humaine suffisamment réchauffée et l'intelligence. Alors, le géniteur n'étant pas suffisamment apte à être manipulé par de l'intelligence, il peut continuer à vivre et à générer. Mais étant donné qu'il cellularise de toute façon tout au long de sa vie, chaque enfant est génétiquement quelque peu différent. Mais pourquoi, posons-nous une question, pourquoi au Québec et dans la majorité des contextes suffisamment industrialisés et où on a du temps et de la matière pour nous permettre de parler d'évolution, de conscience? Dans ces contextes-là, de plus en plus, et le Québec est extrêmement privilégié là-dedans, ça va paraître plus tard, les jeunes ne veulent pas d'enfants. On veut de moins en moins d'enfants, parce qu'on se sent cellularise inconsciemment plus longtemps la vie, plus tard j'aurai des enfants. Bon, alors l'intelligence le sait, mais elle ne peut s'ingérer que dans une conscience génétique, astrale, spirituelle et mentale, capable de comprendre inconsciemment ou consciemment la mécanique. À l'extérieur, ça ne comprend pas, alors il n'y a pas d'ingérence dans le collectivisme des procréations. Mais il faut comprendre aussi que notre personnage ici a beau procréer, on en suit assez sa planète. Lorsqu'une personne se déplace physiquement, à quelle vitesse se déplacent ses infinités de corps ou à quelle vitesse est le déplacement mémoriel? C'est une question qui n'a aucune réponse. La vitesse de déplacement mémoriel varie-t-elle à l'intérieur d'une forme physique? Exemple, voire mémoriel matériel, mémoriel astral, mémoriel mental. Si oui, comment fait-on pour unifier cette vitesse d'abord dans un seul corps, pour par la suite l'unifier dans différence de ce qui donne l'illusion que c'est le même? Explique. Bon, premièrement, à quelle vitesse sont les déplacements? Par rapport à mon corps physique qui se déplace à 3 km à l'heure, mon corps vital va à peu près à 2,5 km à l'heure. C'est-à-dire que c'est faux. Son accélération est légèrement inférieure à la mienne et par la suite, il va à la même vitesse que moi, ce qui fait qu'il va être légèrement déphasé de moi. C'est pour ça que si je fais une chute brutale, bien avant que je reprenne conscience au complet du phénomène, je ne sentirai pas tout à fait mon corps. Le corps vital arrive en retard. Bon. Le corps astral va beaucoup plus vite que le corps vital et le corps physique. C'est pourquoi on peut jouer au niveau du temps. Le corps astral peut accélérer et ralentir son déplacement dans le temps et non pas dans l'espace, mais dans le temps, dans la quatrième dimension. Alors, de temps en temps, on aura l'impression que ça passait vite, d'autres fois que ça passait lentement. Le corps mental va beaucoup plus rapidement. Mais on n'a pas besoin de faire en sorte de les intégrer à une seule vitesse. Ça va se faire lorsque le corps biologique de l'homme deviendra un corps éthérique. Donc, lorsqu'il y aura une fusion complète entre la matière, entre l'homme planétaire et son double éthérique. Maintenant, la vitesse de déplacement, pourquoi je dis que c'est une question qui n'a pas de réponse, c'est que la Terre se déplace déjà à une vitesse folle sur elle-même. Déjà, en translation autour du Soleil, ça se déplace. Fait que son corps physique, quand il marche, sa vitesse, par rapport à quoi? Par rapport à Betelgeuse là-bas, mais tu tournes en maudit, tu vas vite. Puis, étant donné que toute la galaxie tourne, puis qu'elle tourne aussi en translation autour d'un centre au niveau de l'univers, puis que l'univers tourne, puis qu'elle translate autour d'un centre au niveau du super-univers, puis qu'elle fait du bon, fait que la vitesse à laquelle on va, c'est une farce. C'est comme en quelle année sommes-nous? À partir de Jésus-Christ ou à partir du début de la création ou à partir de rien pantoute? On est à n'importe quelle année, prenez celle que vous voulez. Hein? C'est ça. C'est pour ça que la vitesse... La vitesse de déplacement, donc mémorielle, varie-t-elle à l'intérieur d'une forme physique? Oui, mais encore une fois, plus le phénomène astral va évoluer, plus le temps là peut jouer rapidement. Maintenant, le corps physique va aussi subir une mutation du point de vue du cerveau, ce qui va permettre une dépolarisation plus rapide de l'information neuronique. Et cela engendre une capacité de réflexion, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion d'intelligence dans la conscience biologique, et l'astral en est tout courant après, donc on parle de réflexion. Plus le cerveau est apte à se dépolariser rapidement, plus l'enveloppe qui permet la conduction est myélinisée, c'est-à-dire isolée, plus l'être humain va finir par penser rapidement, et plus il pourra prendre de l'alcool, le cerveau ne sera pas affecté, c'est-à-dire qu'il pourra parler d'une façon chaude, tout en restant totalement lui. Il y a des mutations biologiques qui vont changer les choses, mais au niveau des différents plans, il y a des déphasements, puis ça, on ne peut pas y échapper. Pourquoi ma femme veut un enfant à tout prix? Y a-t-il des entités qui veulent l'avoir comme mère? Ben, en tout cas, si vous l'avez pris comme femme, je ne sais pas si d'autres aussi veulent l'avoir comme mère. La femme, elle a plus besoin que l'homme d'avoir des enfants. Maintenant, dans l'évolution mutatoire des contextes nord-planétaires, de plus en plus, il y a des mâles qui aiment les enfants comme les femmes les aimaient, puis il y a des femmes qui travaillent en affaires comme les hommes travaillaient avant. Il y a une androgynalisation qui se fait de plus en plus au niveau de la conscience. Maintenant, sa femme va avoir un enfant, mais peut-être parce qu'elle veut avoir une poupée pour lui jouer dans les cheveux, ce qui peut. Elle a peut-être besoin d'affection, ça ne veut pas dire que l'homme doit lui en donner plus. Peut-être aussi que sa femme veut se réincarner immédiatement, parce que quand on a un enfant, on se réincarne dans lui de notre vivant. Et peut-être, effectivement, que des entités qui poussent pour avoir, qu'ils ont besoin de votre génétique. Et peut-être que tellement de raisons. Alors, faudrait que votre femme pose la question à un moment donné, puis je pourrais répondre. Toi, tu vois avec tes deux yeux. Qu'est-ce que tu vois que moi, je ne vois pas avec mon œil sorti de l'eau? S'il y a d'intelligence, n'est-ce pas plutôt seulement un terme de question conséquentielle d'une création accidentelle et non un terme d'intelligence à ce qu'il y ait une création? Et dans ce cas, pourquoi continues-tu à vivre en dehors du fait qu'on t'oblige à vivre? Bon, premièrement, il faut comprendre qu'entre celui qui découvre l'athlétisme et celui qui est capable de gagner la médaille d'or aux Olympiques, il reste encore un peu de travail. Si nous sommes des boules de billard sur une table, mathématiquement, tout ce qui arrive à chaque boule a déjà été déterminé extra-créationnellement, d'avance. Et donc, c'est prévu que tel individu aura le sida et non l'autre. Même le destin d'une fourmi est prévu. Pourquoi alors dis-tu que quelqu'un doit porter le karma et qu'on ne sait pas qui, alors qu'on le sait déjà mathématiquement? C'est qu'on ne le sait pas et on le sait, c'est que je parle toujours du point de vue de l'ego, étant donné que l'intelligence peut s'immiscer à l'intérieur du code des billes de billard, faisant référence à une conférence antérieure. L'intelligence peut totalement changer. Ce que l'intelligence va faire comme expression n'est pas prévu dans la mécanique du billard, donc n'est pas prévisible au niveau astral. On pourrait revenir aussi à un moment donné sur ce phénomène de la liberté de la conscience, même s'il n'y a pas de libre arbitre. Mais l'intelligence n'est pas assujettie à la mécanique astrale, même si elle est limitée dans l'expression temporairement par le corps physique et les corps qui sont supérieurs au corps physique. Uri Geller, quel est son secret? Son secret, il ne le sait pas lui-même. Il a un corps vital qui lui permet de télékinésier les choses, faire bouger des objets à distance. Et c'est simplement comme certains peuvent chanter, certains peuvent dessiner, puis lui, ben, il peut tordre des fourchettes. Ben, il suffit maintenant de savoir quoi faire avec ce qu'on a. Lui, il ne sait pas. C'est simplement de la télékinésie, son corps vital. L'interpréteur actionnel qui permet à l'astral de bouger le corps physique. Vous ne pouvez pas bouger votre oreille parce que votre interpréteur n'a pas appris comment. Uri Geller, lui, ben, son interpréteur actionnel.